Electric. J'ai posé, j'fume la beuh devant Calaf. Parce que j'ai fait mes séchés devant le mois. Elle n'a même pas eu ma queue, cette salope. Elle dit même qu'elle a un gosse de moi. J'ai du poids sur le dos. Et je sais que les démons m'observent. La main de leur couloir, on fait le sale boulot. Comme ton père, j'ai autant de fermes. Les cartes CRS, les pecs, c'est prison. Ta période creuse, ma femme, elle aura son vison. Niquer ta grand-mère, telle est ton ambition. Par des sous, je tuerai de mes mains le bison. C'est la pellec. Sous la pluie de balles, Halbat Selec. Ma paire de chaussures, 940 tal. Pour le souffle, faut bien plus que la gamme parentale. Frère, même la taille, ça devient la routine. Allons faire goûter du Chivas à Poutine. Gros, je me passe sur la plage. Mes frères qui me vengent, ton frère en otage. T'es qu'une balle, dis la vérité. Ce qui taille, tu le mérites. Nique ta mère, je suis VIP. Première classe sur Amérique. Je n'ai douche, je prends des billets violets. Comme parisien, marseillais, lyonnais, amélioré, 4.0, on compte que les actes nous servent de mieux. Je m'en bats les comptes de savoir si t'es bon, SCH et la rafle, serait que c'est le fusil à pompe. Quelques lacunes incomplètes, je vais laisser leur étage, continue de m'accoupler. Loin des boutas, toujours un guista, je reste loin des mythos qui parlent de temps dans les chichas. Chava, Eli, on est baisse sur le taille, y'a pas de crédit, crédit. La mer, j'en ai marre, je suis à l'aise. Corée, Bélex et Neymar, Suarez. On a conçu les prods à Bucarest. Froid, on sent pas les coups de vos caresses. Fini la paresse, lâchez la laisse. Ils diront qu'ils nous ont jeté de la falaise. On est trop à l'aise, tu sais qu'on les baisse. Numéro 1, vont tous faire un malaise. La crée. L'histoire s'écrit. Mais c'est moi qui a le stylo. Je baisse. C'est la rue, pas de prendre de pilon. Ça a beaucoup plu, je vais les gronder. Tous mes types courent après les condés. Comptez du bip, mon frère, je suis rodé. Tu passes moi, t'es qu'un érodé. Y'a des hommes qui tuent pour nous, je suis au resto